Allô? Allô, allô? Oui. Bonjour, Françoise? Oui, c'est Oui, moi. bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Oh, vous êtes en pleine forme? Qu'est-ce que l'appareil? C'est la radio qui vous appelle pour gagner au jeu du Kiki Donc de la part de votre petite fille Aurélie. Vous allez bien? Ah bon, vous êtes très bien, je vous remercie. Vous êtes en pleine forme? Ah ben oui. Eh bien, le public va vous applaudir. Oh, ben c'est bien ça alors. J'ai de la chance. Pardon? J'ai de la chance. Absolument pas. Alors, vous allez bien quand même, vous êtes en pleine forme? Ah oui. Vous écoutez l'émission du Kiki Donc de temps en temps, m'a-t-on dit, c'est ce que m'a dit Aurélie. Oui, très bien. Ah, vous êtes une fidèle de l'émission de la radio quand même. Exactement. Ah, très bien, vous nous écoutez vers quelle heure? Oh ben écoutez, je ne sais pas, moi des fois il était 6h. Ah, ben, alors pourquoi vous dites que vous ne savez pas l'heure que vous avez quand même? Ben oui, mais je me trouve comme ça par hasard. Voilà, comme ça par hasard, on a fait pitié, on se dit tiens, on va s'écouter la radio du Kiki Donc. Voilà. On se fait un petit plaisir quand même là, Françoise. Hein? Oui, mais c'est gentil. Bon, très bien. Vous connaissez la radio du jeu alors? Un petit peu, oui. Non, bah, un petit peu, ça suffit, un petit peu, hein, quand même. Donc, je vais vous la rappeler, bien entendu. Je vous rappelle que vous avez accédé en 4 questions mises en joker, vous donnant la possibilité d'accéder au point bonus, qui vous donne l'attribution, bien entendu, d'un substance point, qui vous permettra, je l'espère, pour vous d'accéder directement à la case départ. Vous êtes d'accord? Ah, ben bah, oui, qu'est-ce qu'elle a fait là? Ah, ben bah, écoutez, elle a pensé à sa grand-mère. Oui, elle a pensé à sa grand-mère, bien entendu, parce que ce sont des questions qui. C'est un blind test sur les années 20. Ah bon? C'est pour ça qu'elle s'est dit, on va appeler grand-mère. Ah, bon, c'est bien. Vous nous écoutez régulièrement, Françoise. Hein? Voilà. D'accord. Vous êtes prêts pour la première question, Françoise? Ah ben oui, je Alors viens. Attention, on y va, est-ce que le public leur courage? Allez! Ah ben dis donc. Un petit peu de silence. On voit, c'est Noël bientôt. Madame Doran, dites-moi donc. Alors, chères personnes, chères madame, nous allons donc ensemble jouer. Vous êtes prêtes? Ah oui, moi je suis prête. Prête. Oui, bien sûr. Super prête. Super. Méga prête. Oui. Alors attention, on y va. Première question, concentrez-vous bien, Françoise. Êtes-vous concentrée? Ah ben, je vais me concentrer. Alors. Ah ben, dis-donc, on est un peu tard, alors je vais me concentrer. Alors. Bon, concentrez-vous un petit peu, hein. Faites marcher un peu ce qui reste de. D'accord? Oui, très bien. D'accord. Vous êtes confortablement assise? Ah oui, je suis assise. Alors, je vais vous demander, bien entendu, d'y rester. Ah ben, je reste. D'accord. Attention, première question, concentration, vous êtes prête? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Quelle est la mauvaise idée? Attention, c'est parti, à vous la réponse. Allez Françoise, on attend une réponse de votre part. On rappelle que c'est un objet qui tient dans la main. Voulez-vous que je vous répète la question, Françoise? Ah ben oui, parce que j'ai rien entendu. D'accord. Ben dis-toi, je me rappellerai le 23-24. Alors arrêtez de parler dans le vide et donnez-nous des réponses. Hein. Allez François, je vous rappelle la règle du jeu, bien entendu. Qu'est-ce qu'ils ont en main? Vous avez la possibilité, bien entendu, de tenir sur une porte de jeu. Vous me dites. Sur une porte? Oui. Et toi, je vais tenir sur une porte? Oui. Eh bien, une poignée? Oui. Vous êtes en pleine forme? Ah, ben oui. Ouais. Oh, ben ça alors. Alors, vous retenez bien ce premier indice, le mot. La poignée? Bah, évidemment, hein. Alors, vous le notez. Vous avez... Ah bon, je note, j'ai rien pour noter. Oh bah, vous notez dans votre cervelle quand même. Ah oui, oh, vous avez de la mémoire. De 78 ans. Oh, vous avez de la mémoire quand même, m'a dit Françoise quand même. Hein? Ah ouais, sinon, faut en demander pour Noël. Alors attention, on va arrêter la musique comme ça parce que 2 secondes. Oui. Alors on va arrêter la musique. Attention, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous voulez la musique? Ah bah, si vous voulez. Eh bah, alors on la met. Deuxième question, est-ce que vous êtes prête? Ah oui, je suis prête, moi. Ça devient bleu en hiver. Ça devient vert en été. Ça sent mauvais au printemps, ça ne se lave pas en automne. À votre avis, Kiki Donc, Françoise? Alors, allez-y, alors, je nage complètement, hein. Vous en êtes pas très très loin. C'est l'hiver, non? Non, non, dites pas n'importe quoi, Françoise, réfléchissez, le public vous encourage, allez. Allez, Françoise. Oh, écoutez, c'est facile, Françoise, quand même, merde. Oh, ben, si, vous êtes jeune, vous, hein. Bon, écoutez, c'est une question facile, c'est une question pour vous. Ah bon? Ça a été créé en 1922, alors. Ah bon? Je répète la question. Ah bon. On réfléchit un peu, s'il vous plaît, quand même. Vous écoutez, quand même? Ah oui, j'écoute. Voilà. Eh ben, faut être gentil, quand même. Je répète la question. C'est rouge en été? C'est vert en hiver? Ah oui, c'est en hiver. Ouais. Ça supporte la chaleur, ça sent mauvais en printemps. C'est Kiki Donc, attention Françoise! Ça se met autour de la taille quand même, quand vous m'avez dit je nage complètement, je dis c'est un rapport quand même! Ah, je sais pas du tout. Oh, réfléchissez un peu quand même. Il y a tous les auditeurs qui vous écoutent. Ils vont être déçus, là, du côté d'eux. Ils sont jeunes et... Ça se met autour de la taille. Mais une ceinture? Non, pour dans l'eau. Ah, c'est... Ah, mais... C'est une... Elle est bourrée? Oui! Allez, Françoise. Allez, Françoise. Alors, Françoise, vous avez le mot bourrée et vous avez le mot... Poignée? Oui, le mot poignée, le mot bouée. Vous retenez quand même? Vous faites quoi dans la vie? Vous faites, vous faites un métier? Je suis rentière, hein? Hein? Je suis rentière dans ma vie. C'est un très joli métier, ça, dites-moi. Ah, ben, si, je suis une retraitée, hein? C'est une société? Je suis pas jeune, hein? Ah, vous êtes à la retraite déjà? Ah, ben, dites-moi. Ah, ben, quand même! Je vous le souhaite, vous. D'accord, ok. Je vous rappelle que si vous gagnez, bien entendu, vous avez un petit voyage de 15 jours à Ibiza, hein? En plein été et tout, vous aimez les soirées techno, tout ça, vous aimez ça? Hein? Avec des entrées VIP au club discothèque Pacha, bien entendu, vous retrouverez Laurent Garnier, Karl Cox. Vous êtes contente? Bah oui, bien sûr. Vous les aimez bien, tous ces chanteurs, hein? Bah, je comprends. Bah, vous comprenez, hein? Je comprends la jeunesse. Bah, c'est toute votre jeunesse, tous ces artistes. Allez! Troisième question, Françoise, attention, est-ce que vous êtes prête? Bah oui, je suis prête, moi. Alors, est-ce que vous pourriez, en l'espace de 15 secondes, nous pouvoir nous imiter 4 animaux? Attention, c'est parti! Attention, on y va, on doit les reconnaître. Allez, Françoise! 15 secondes pour nous imiter 4 animaux, c'est parti! Je vais imiter 4 animaux? Il faut qu'on les reconnaisse, vite, vite, vite, vite, vite, vite! Bah, un chat, un chien! Non, il faut les imiter, il faut faire les imitations, allez-y! Miaou, miaou! Oui, un chat, c'est bon! Allez, Françoise, allez! Un chien! Un chien! Attention, vite, encore vite, il reste 10 secondes! Mais la vache! Non, mais faut pas nous donner la réponse, c'est pas, ça a annulé, ça, on peut pas faire la vache, qu'il faut pas nous donner, faut qu'on devine. Vite, il reste 5 secondes! Allez, écoutez maintenant! Vite, vite, Françoise, il y a un cadeau pour Aurélie, vite, vite! Bah écoutez, j'en sais rien. Imitez, imitez, imitez. Le singe. Bah oui, mais il faut pas le donner la réponse. Oh là là là là là là là. Ah, public, bah écoutez, moi, le c'est... public est déçu. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'on lui donne une deuxième chance? Ouais. Est-ce qu'on lui donne une deuxième chance? Ouais. Est-ce qu'on lui donne une deuxième chance? Ouais. Le public apparemment lui donne une deuxième chance. Alors attention, on recommence pour 15 secondes qu'on remet dans le sablier. Les questions, bien entendu, acquises d'avance par rapport à la tenue de route que vous avez eue en départ d'émission qui vous donnera directement à Stey un ticket de joker du péage. Vous êtes prête? Alors vous avez bien compris. Alors il faut nous imiter 4 animaux sans nous les dire, simplement nous les mimer vocalement et nous devons les deviner. Vous avez 15 secondes. Attention, on recommence, c'est parti. Ah ben, dis-donc, faut que j'arrive à menace pour faire des, comme ça, des choses pareilles. Allez-y vite, sans la musique. Oui, un chat. Oui. Ensuite, vite, vite. Un chien. Ah non, mais faut pas nous donner la réponse, François. Là, là, là, là, Françoise. Oh, alors, recommencez, on recommence. Oh, là, là. 4 animaux, vite, il faut qu'on les devine sans que vous les donniez. Vas-y, allez-y. Vas-y. Mmh. Oui, une vache. Oui. Alors, vite, un deuxième. Un chien. Oui. Vite, vite, vite. Vite, François. Ah, écoutez, maintenant, je suis un peu troublé. C'est là. Perdu, malheureusement. Voilà. Oh là là. Ça fait rien. Oh là là, il y avait facilement, vous auriez pu faire le chat, le chien, la vache, et puis vous auriez pu faire, je sais pas moi, le mouton, ben, il y en avait quand ah même ben pas oui, mal. Ça, c'est vrai, vous avez le crocodile. La prochaine fois. Il hein, y avait le serpent, ça. Hein le serpent. Oh, bah, dites donc quand même, Françoise, quand même. Hein, vous êtes content d'être avec nous? Ah oui, très bien. Ah, ça vous... m'a fait bien plaisir. Voilà. Vous êtes une fidèle de l'émission quand même. Oui, oui. Hein, qu'est-ce qu'on dit quand même à tous les auditeurs Je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Et une bonne continuation pour votre émission. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci le. L'émission s'appelle le Kikidon. Qu'est-ce qu'on dit? Merci le. Eh ben, merci le Kikidon. Bon, voilà, très bien. On en place Aurélie qui, malheureusement, ne repartira pas avec ce merveilleux voyage. Ah, hein? Ben voilà. On lui offrira un pin. C'est une photo dédicacée de toute l'équipe. Oh, ben c'est gentil, ça. Vous êtes mignon, alors. C'est déjà tout plein mignon, hein. Ah, ben je comprends, alors. D'accord, ça, ok. C'est gentil. Ouais, écoutez, puis on vous envoie quand même un kilo de granerie. Voilà. On vous souhaite une bonne matinée. Et puis vous aussi. D'accord, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, vous nous rappelez quand vous voulez, Françoise. Voilà. Et merci beaucoup. Merci Françoise, on applaudit le public, on l'applaudit. Allez, ça fait bien au moins. À bientôt, Françoise. Je suis dans un théâtre. Ouais, tout.